Module 7, étude 1. Pluralité des mondes habités et fluides cosmiques universels. Les esprits supérieurs nous expliquent qu'il existe un fluide éthéré qui remplit l'espace et pénètre les corps. Ce fluide, c'est l'éther ou matière cosmique primitive, génératrice du monde et des êtres. À l'éther sont inhérentes les forces qui ont présidé aux métamorphoses de la matière, les lois immuables et nécessaires qui régissent le monde. Ces formes multiples, indéfiniment variées suivant les combinaisons de la matière, localisées suivant les masses, différenciées dans leur mode d'action suivant les circonstances et les milieux, sont connues sur la Terre sous les noms de pesanteur, cohésion, affinité, attraction, magnétisme, électricité active. Les mouvements vibratoires de l'agent sont connus sous le nom de son, chaleur, lumière, etc. En d'autres mondes, elles se présentent sous d'autres aspects, offrant d'autres caractéristiques ou d'autres caractères inconnus à celui-ci, et dans l'immense étendue des cieux, des forces en nombre indéfini se sont développées sur une échelle inimaginable dont nous sommes aussi peu capables d'évaluer la grandeur que le crustacé au fond de l'océan ne l'est d'embrasser l'universalité des phénomènes terrestres. Or, de même qu'il n'y a qu'une seule substance simple, primitive, génératrice de tous les corps, mais différenciée dans ses combinaisons, de même, toutes ces forces dépendent d'une loi universelle diversifiée dans ses effets et qui, dans les décrets éternels, a été souverainement imposée à la création pour en constituer l'harmonie et la stabilité. La raison de la grande diversité des corps matériels existants dans l'univers, aussi bien que sur notre planète, c'est parce que les forces qui ont présidé à ces transformations, les conditions dans lesquelles elles se sont produites étant en nombre illimité, les combinaisons variées de la matière ne pouvaient qu'être illimitées elles-mêmes. Donc, que la substance que l'on envisage appartienne au fluide proprement dit, c'est-à-dire au corps impondérable, ou qu'elle soit revêtue des caractères et des propriétés ordinaires de la matière, il n'y a dans tout l'univers qu'une seule substance primitive, le cosme ou matière cosmique des uranographes. Les esprits supérieurs expliquent aussi que la matière cosmique primitive renfermait les éléments matériels, fluidiques et vitaux de tous les univers qui déroulent leur magnificence devant l'éternité. Elle est la mère fécondée de toutes choses, la première aïeule et, qui plus est, la génératrice éternelle. Elle n'a point disparu, cette substance d'où proviennent les sphères sidérales. Elle n'est point morte, cette substance, car elle donne encore incessamment le jour à de nouvelles créations et reçoit incessamment les principes reconstitués des mondes qui s'effacent du livre éternel. La matière éthérée, plus ou moins raréfié, qui descend parmi les espaces interplanétaires, ce fluide cosmique qui remplit le monde, plus ou moins raréfié dans les régions immenses, riches en agglomérations d'étoiles, plus ou moins condensées, là où le ciel astral ne brille pas encore, plus ou moins modifié par diverses combinaisons suivant les localités de l'étendue, n'est autre chose que la substance primitive en qui résident les forces universelles d'où la nature a tiré toutes choses. L'esprit d'André Louis explique que dans le fluide cosmique ou le plasma divin, souffle du Créateur ou force nerveuse du Tout-Puissant vibre et vivent des constellations et des soleils, des mondes et des êtres comme les poissons dans l'océan. Dans cette substance originelle, sous l'influx du propre Seigneur suprême, opère des intelligences divines en lui agrégées, en une communion indescriptible, et extrait de ce souffle spirituel les réserves d'énergie avec laquelle ils construisent les systèmes de l'immensité en co-création sur un plan supérieur, selon les desseins du Tout Miséricordieux qui en fait des agents de la création. Le fluide cosmique, étant le principe élémentaire de l'univers, possède des propriétés sui generis. il offre deux états distincts, celui d'éthérisation ou d'impondérabilité que l'on peut considérer comme l'état normal primitif, et celui de matérialisation ou de pondérabilité qui n'est en quelque sorte que consécutif. Le point intermédiaire est celui de la transformation du fluide en matière tangible. Mais là encore, il n'y a que transition brusque, car on peut considérer nos fluides impondérables comme un terme moyen entre les deux états. Chacun de ces deux états donne nécessairement lieu à des phénomènes spéciaux. Au second appartiennent ceux du monde visible et au premier ceux du monde invisible. Les uns, appelés phénomènes matériels, sont du ressort de la science proprement dite. Les autres, qualifiés de phénomènes spirituels ou psychiques parce qu'ils se lient plus spécialement à l'existence des esprits, sont dans les attributs du spiritisme. Mais comme la vie spirituelle et la vie corporelle sont en contact incessant, les phénomènes de ces deux ordres se présentent souvent simultanément. L'homme à l'état d'incarnation ne peut avoir la perception que des phénomènes psychiques qui se lient à la vie corporelle. Ceux qui sont du domaine exclusif de la vie spirituelle échappent au sens matériel et ne peuvent être perçus qu'à l'état d'esprit. À l'état d'éthérisation, le fluide cosmique n'est pas uniforme. Sans cesser d'être éthéré, il subit des modifications aussi variées dans leur genre et plus nombreuses peut-être qu'à l'état de matière tangible. Ces modifications constituent des fluides distincts qui, bien que procédant du même principe, sont doués de propriétés spéciales et donnent lieu aux phénomènes particuliers du monde invisible. Tout étant relatif, les fluides, ces fluides, ont pour les esprits, qui sont eux-mêmes fluidiques, une apparence aussi matérielle que celle des objets tangibles pour les incarnés, et sont pour eux ce que sont pour nous les substances du monde terrestre. Ils les élaborent, les combinent pour produire des effets déterminés, comme font les hommes avec leurs matériaux, toutefois par des procédés différents. En raison de la nature et du type de force qui agissent dans la vie extra-physique, les éléments fluidiques du monde spirituel échappent à nos instruments d'analyse et à la perception de nos sens, faits pour la matière tangible et non pour la matière éthérée. Il en est qui appartiennent à un milieu tellement différent du nôtre que nous n'en pouvons juger que par des comparaisons aussi imparfaites que celles par laquelle un aveugle-né cherche à se faire une idée de la théorie des couleurs. Mais parmi ces fluides, quelques-uns sont intimement liés à la vie corporelle et appartiennent en quelque sorte au milieu terrestre. À défaut de perception directe, on peut en observer les effets comme on observe ceux du fluide de l'aimant que l'on n'a jamais vu, et acquérir sur leur nature des connaissances d'une certaine précision. Cette étude est essentielle, car c'est la clé d'une foule de phénomènes inexplicables par les seules lois de la matière. À présent, donnons quelques explications sur un sous-produit du fluide cosmique qui existe dans tous les êtres vivants. Il s'agit du fluide ou principe vital. Le principe vital est le principe de la vie matérielle et organique. Quelle qu'en soit la source, et qui est commun à tous les êtres vivants, depuis les plantes jusqu'à l'homme. La vie pouvant exister, abstraction faite de la faculté de penser, le principe vital est une chose distincte et indépendante. Pour les uns, le principe vital est une propriété de la matière, un effet qui se produit lorsque la matière se trouve dans certaines circonstances données. Le principe vital est ce que vous appelez fluide magnétique ou fluide électrique animalisé. Et ayant sa source dans le fluide cosmique universel, il se retrouve dans tous les corps vivants de la nature, modifié selon les espèces. C'est ce qui leur donne le mouvement et l'activité et les distingue de la matière inerte. Nous pouvons donc dire que le principe ou fluide vital est la force motrice des corps organiques. En même temps que l'agent vital donne l'impulsion aux organes, l'action des organes entretient et développe l'activité de l'agent vital, à peu près comme le frottement développe la chaleur.